Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Serge, bonjour. Bonjour. Serge, qui est président et fondateur de l'association Les Baladins, qui, après une longue absence, Covid oblige, eh bien l'association Les Baladins qui a lancé la programmation de sa prochaine saison. 12 grands artistes programmés, on va découvrir tout ça. Peut-être un mot d'histoire déjà sur l'association des Baladins, qui a déjà 24 saisons à son historique. Eh bien c'est ça, on devait en fait fêter nos 25 ans cette année, on le reporte l'année prochaine, en 2022 du coup. Cette association qui depuis de nombreuses années met en avant des artistes trop méconnus. Oui c'est ça, c'est l'objectif de faire connaître justement la chanson au travers d'artistes qui ne sont pas forcément de la région, mais des régionaux aussi, hein, où on fait une large part à la chanson régionale au travers de premières parties ou de coplateaux ou de concerts à part entière pour des artistes régionaux. On est à peu près à un peu plus de 60 artistes régionaux différents et 60 à peu près artistes nationaux différents venus depuis 25 ans. Vous n'êtes pas tout seul au sein de l'association des Baladins. Vous êtes combien aujourd'hui? On est un bureau de 6 personnes qui sont les membres actifs et puis autour, quelques personnes qui gravitent autour, disons que c'est une toute petite dizaine, on va dire. Hein. Et une programmation, alors vous avez 12 artistes programmés cette année. Comment vous les sélectionnez? Soit je les ai vus sur scène ou pas forcément sur scène, mais c'est des coups de cœur. Il y a aussi des artistes, moi, qui me sollicitent, hein, donc je vais écouter que je connais pas forcément bien. Je suis abonné à des revues aussi comme Francophone ou Hexagone, une très belle revue. Donc, compile un peu tout ça et puis voilà, j'invite les artistes qui me font le plus envie, on va dire. Pour cette programmation, on va pas forcément citer les 12 artistes. La première date, ce sera le vendredi 24 septembre avec quelqu'un que vous avez déjà reçu. Non, Laurence Becker n'est pas venue. C'est la première fois qu'elle vient. Elle est de la région? Elle est de la région, elle est de Metz. Elle chante avec Régis Cunin, elle a une très jolie voix. Et puis depuis quelques temps, elle compose, elle écrit. Et donc c'est une vraie artiste à part entière. Elle a une très jolie voix et son dernier album est vraiment très sympathique. Il y a beaucoup de tendresse, il y a toujours un petit peu d'humour. C'est vraiment un très bel album. Dans cette programmation pour cette prochaine saison, quel autre artiste voudriez-vous mettre en avant aujourd'hui? Dans la saison, on aura fin novembre, dans le cadre des rencontres autour de la chanson organisées par Vendeuvre, on s'inscrit dans cette démarche, on reçoit Yves Usureau, qui chante Brassens sous forme un petit peu swing. Donc son spectacle s'appelle d'ailleurs Swing Brassens. On aura Geoffroy également au mois de novembre, qui est artiste belge. Et puis à fin de saison, on aura un autre belge qui s'appelle Claude Semal, qui finira donc la saison avec une rencontre en chanson, tout ça à Ludre. Toujours à Ludre, hein, c'est une... Voilà, on a deux salles, on a la salle Jean Monnet sous la mairie de Ludre, et puis pour certains concerts, et puis les rencontres, ce que j'appelle rencontres en chanson, donc c'est plus convivial, plus intimiste, et ça se passe à la salle du Centre culturel Jean Charcot. Le programme, on le retrouve bien sûr sur le site de l'association des Baladins, lesbaladins.fr. Vous avez évoqué Georges Brassens tout à l'heure avec ce concert de Yves Usureau. Bien sûr, c'est le centenaire cette année de sa naissance, de Georges Brassens, et vous participez également à différentes animations sur Vendeuvre. Oui, voilà, alors on organise notamment une animation fin septembre avec une exposition sur la vie de Georges Brassens du 21 au 26 septembre. Et puis le samedi, donc on organise un café-concert, c'est-à-dire le public vient avec un disque ou une chanson, je veux dire sur n'importe quel support. Ce qui concerne le thème de ce café-bistrot, c'est les chansons qui ont été écrites en hommage à Georges Brassens ou qui évoquent Georges Brassens. Et chacun vient, on écoute la chanson présentée, on en discute un petit peu et on passe une heure et demie, quoi. Voilà, donc une occasion de vous rencontrer de l'association Les Baladins aussi, autour de Brassens. Le site internet, je le redonne, c'est www.lesbaladins.fr. On peut aussi adhérer à votre association. L'adhésion, elle est très accessible. Je crois que c'est 10 euros. C'est 10 euros par personne, voilà, pour la saison. On a déjà la bande-annonce de l'ensemble des spectacles de la saison. Et puis, progressivement, on va y mettre un petit peu tous les détails. Merci Serge. On va se quitter en musique avec un titre de Laurence Becker, qui, on le rappelle, sera en concert à Ludre le vendredi 24 septembre. Ce sera à 20h30. Merci Serge. Merci beaucoup. Les pieds dans le ruisseau, des crapauds plein les poches. À la main mes godillots et mon jean qui s'effiloche. Et je longe ce ruisseau du flanc plein la caboche. Besoin de poser mon cerveau, je m'assieds sur une roche. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. les pieds dans le caniveau, des cailloux plein les poches. Je ramasse les mots qui flottent et qui ricochent. Et je longe ce caniveau, on dirait qu'il me reproche de n'être qu'un idiot qui traîne ses galoches. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Les pieds loin d'un boulot, même pas 10 balles en poche. Je ne suis qu'un sous-l'eau qui a laissé ses mioches. Et je longe les boulots de l'avenue Foch pour rejoindre les clodos, mes copains de poche. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Les pieds bien au repos, avec plus rien en poche. Je crois que j'ai tout faux, que je traîne des fantoches. Et je longe à demi-mot ma vie qui se décroche. Il est temps que je voie plus haut, il est temps que je m'accroche. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était à 20 ans. Les pieds qui reprennent chaud et des billes plein les poches. C'est ni trop tard ni trop tôt et j'entends bien les reproches. Je longe mon ego qui s'est pris un coup de pioche. Je reviens avec mes mots d'excuses plein les valoches.